Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Et on va maintenant s'intéresser à notre relation avec les animaux. Les animaux, ce peut être, comme je le disais, plutôt notre chien ça peut, qui nous tient compagnie, ça peut être les poules et les vaches qui nous nourrissent, ça peut être aussi les animaux de laboratoire, ou encore les animaux sauvages qui vivent en ville, ou les animaux sauvages qui sont bel et bien dans la nature. Et nous n'avons peut-être pas les mêmes relations avec tous ces animaux. Les animaux et nous, c'est le titre d'un livre paru dernièrement aux éditions Multimonde, un livre qui a été écrit par François Doré, qui est lui-même professeur titulaire à l'école de psychologie de l'Université Laval et qui étudie dans ses recherches le comportement animal et humain. Bonjour François Doré. Bonjour. Alors, c'est pas la première fois que vous venez à l'émission. Non, hein. Vous êtes un abonné. Passe la quatrième. De l'émission. Vous nous avez déjà parlé d'un monde de chiens, le livre sur les chats, le livre sur l'intelligence animale. Exactement. Donc, aujourd'hui, on va voir nos relations entre nous et les animaux. Et en fait, ce livre que vous venez d'écrire parle beaucoup de spécisme et d'antispécisme. Alors, je me dis, pour mettre la table, c'est quoi l'antispécisme et le spécisme? Le spécisme, c'est un néologisme qui a été créé par Richard Rider en 1970 pour désigner notre fâcheuse tendance à attribuer une valeur ou des droits à un animal en se basant uniquement sur l'espèce à laquelle il appartient. Alors, de cette façon-là, les humains sont considérés comme supérieurs à tous les animaux. Les animaux de compagnie sont mieux protégés que les animaux d'élevage, d'expérimentation ou nuisibles, selon Rider. Et il appartenait à un groupe de réflexion, et parmi ce groupe-là, il y avait Peter Singer, qui en 1974 a lancé un mouvement, l'antispécisme, c'est un mouvement philosophique, idéologique et politique, qui veut évidemment s'opposer au spécisme. Et il a publié un livre qui est Animal Liberation, qui a fait histoire parce qu'il est cité abondamment même aujourd'hui. L'antispécisme, c'est un mouvement qui soutient que notre mode de vie est construit pour l'essentiel sur l'exploitation des animaux. C'est donc une éthique animale qui propose d'éradiquer l'exploitation des animaux, dont nous serions coupables, mais là je vais apporter des nuances plus tard, par le véganisme et par l'abolition de pratiques que Singer considère comme discriminatoires. D'accord. Puis il y a plusieurs nuances hein, dans votre livre, on lit, il y a plusieurs degrés, plusieurs formes d'antispécisme. Il y a des antispécistes, je dirais, modérés, ouais. Et certains très radicaux qui veulent abolir tout contact avec les animaux. Ouais, d'accord. Donc, alors maintenant qu'on voit mieux qui sont les spécismes et les antispécismes et peut-être toutes les nuances de gris qu'il y a entre tout ça, les antispécismes s'appuient sur plusieurs critères pour justifier un petit peu d'arrêter d'exploiter les animaux. Il y en a un de ces critères, par exemple, c'est la souffrance. Oui. Donc, on comprend effectivement, on n'aime pas tellement voir les animaux d'élevage souffrir dans les étables ou dans les porcheries, mais c'est pas évident. Donc on comprend qu'on voudrait mettre fin à la souffrance, mais en même temps la souffrance, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut bien définir chez les animaux? Bon, là ça va être un petit peu spécieux, mais il y a une distinction entre la douleur et la souffrance. D'accord. Il y a de nombreuses espèces qu'on sait qui souffrent, qui peuvent éprouver de la douleur parce qu'il y a des cellules, des récepteurs qu'on appelle des nocicepteurs qui captent la douleur. Mais la souffrance, c'est un état subjectif très difficile à identifier chez les animaux. Par exemple, si vous donnez un coup à une amibe, un organisme unicellulaire, ouais. Elle va se contracter. Est-ce qu'elle souffre? Ça se peut pas. Elle n'a pas de récepteur de douleur. Puis, l'humain peut souffrir, mais pas l'animal, peut souffrir même à l'absence de douleur. Par exemple, Si quelqu'un détecte une tumeur sur son ou sous son bras, la personne va souffrir, va être anxieuse, etc. Un animal, il va peut-être être curieux, il va peut-être y toucher. Mais... il ne sait pas ce que c'est, donc il ne va pas exprimer une souffrance, une anxiété par rapport à ce machin qu'il a sur, sur la patte. Exactement. Mm-hmm. Maintenant, à savoir... parce que les antispécistes disent que les animaux souffrent parce qu'ils sont sentients. Sentient, ça veut dire sensible, ouais. Être capable de souffrir et d'avoir une conscience de soi. Ça, c'est l'autre partie qui est plus compliquée. Mais la question, est-ce que tous les animaux sont capables d'éprouver de la douleur ou de la souffrance? Mais là, il faut faire attention parce que moi, je me souviens quand, dans les débuts des années 80, quand on utilisait le guide du Conseil canadien de protection des animaux, c'était écrit en noir sur blanc que les vertébrés sont sentients, mais pas les invertébrés. Mm-hmm. Or, les recherches deux dernières décennies, montrent que les céphalopodes, plus précisément les pieuvres, sont sentients, dans le sens qu'ils peuvent éprouver de la douleur, etc. Maintenant, le Conseil canadien inclut tous les céphalopodes, les pieuvres, etc., dans les animaux qui doivent être protégés. Puis en 2010, l'Union européenne a voté des lois dans le même sens. On peut se poser la question pourquoi les antispécistes utilisent la souffrance ou la douleur comme critère de base. Ça pourrait être, à mon avis, tout aussi bien d'autres choses comme les aptitudes d'apprentissage qui sont beaucoup plus répandues que la douleur. Même des organismes très simples, quelques neurones, un mort par exemple, sont capables d'apprentissage. Ah bon? Donc, même plus simple encore qu'un homard. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser plutôt la capacité d'apprendre que la souffrance? Mm-hmm. Bon, je peux comprendre que quand Singer a écrit son livre, les connaissances n'étaient pas aussi avancées sur la capacité d'apprentissage, mais tout de même. Mais même sur la question du... Bon, là, vous parlez de la douleur... de la souffrance, peut-être de l'anxiété ou du stress, mais les animaux qui vont à l'abattage, ils ont peut-être pas mal physiquement, il n'y a peut-être pas de douleur, mais est-ce qu'ils ressentent le stress? Oui. Oui, ils ressentent le stress. Bon, c'est un peu compliqué pourquoi, là. Ils sentent des odeurs, etc. Ils sentent la nervosité des autres. Mais il y a des auteurs, maintenant, c'est dans les abattoirs aux États-Unis, je suis moins au courant pour le Canada, mais aux États-Unis, il y a eu une chercheur qui a fait beaucoup de travaux pour Templin, qui est pour réduire l'anxiété. Puis des fois, c'est des trucs simples. Hein. Elle a utilisé, par exemple, elle les a fait marcher dans un couloir qui serpente. Ouais. Ça les calme. Ouais. Alors, il y a moyen de réduire l'anxiété, mais je veux dire quelque chose qui va paraître un peu bizarre. Une vache ou un bœuf, c'est le moment dans sa vie où il va éprouver le plus d'anxiété puis de douleur, évidemment, là, même si c'est très bref là, qu'un abattage. Mais il faut penser à tous les proies dans la nature. Moi, j'ai des souvenirs en Afrique à des points d'eau où il y a des antilopes, des gnous qui sont tout le temps en train de surveiller autour d'eux parce qu'il y a des lions qui rôdent. Ouais. Et des animaux comme les girafes qui doivent écarter les pattes beaucoup qui sont très vulnérables à ce moment-là pour aller boire. Mais ces animaux-là, ils sont en stress permanent. Tous les jours. Pour survivre, il faut... Et s'ils ne l'étaient pas, ils ne survivraient pas, en fait. Exact. C'est ça. Donc, c'est là qu'on voit les nuances, finalement, entre comment définir vraiment, jusqu'à quel point définir, donner le stress comme étant un critère pour pour un élément à réduire dans notre pratique, dans notre comportement envers les animaux, c'est pas évident. Non, mais c'est sûr que les façons d'interagir avec les animaux domestiques, là, j'entends chat, chien, animaux d'élevage, bœuf, etc., ça a beaucoup changé depuis quelque temps, et tout le monde est plus attentif, plus précautionneux, puis il y a des lois maintenant. Mm-hmm. Depuis 2015, il y a une loi au Québec. Ouais. Et alors l'autre critère, c'est la conscience. Vous en avez glissé un mot. Donc là aussi, c'est pas facile à définir la conscience. Déjà, la conscience chez l'humain, c'est pas facile. Donc savoir si des animaux ont conscience d'eux. C'est la conscience. Vous avez parfaitement raison. La conscience chez les humains, c'est extrêmement difficile à définir. De quoi on parle exactement, ça c'est l'autre chose. Les antispécistes, en tout cas bon nombre d'entre eux, prennent pour acquis que les animaux ont conscience de soi, qu'ils ont des intentions, qu'ils ont une théorie de l'esprit, qu'ils peuvent comprendre ce que l'autre pense. Mais rien de ça n'est scientifiquement démontré. Non. Il y a des recherches qui essaient de voir si les animaux ont des intentions, s'ils ont conscience de soi, mais à date, il n'y a rien qui le démontre. Ah ouais. La conscience de soi, je vais donner l'exemple classique. Il y a un chercheur dans les années 70 qui a créé ce qu'on appelle le test du miroir. Il met l'animal devant un miroir après lui avoir mis quelque chose dans le pelage, une tache. Puis si l'animal, quand il se voit dans le miroir, touche la tache, ce serait qu'il aurait conscience de soi. C'est pas ça. Ça prouve pas du tout que ça a conscience de soi. Ça prouve qu'il y a une image de lui-même, là, mais ça ne prouve pas qu'il a conscience de soi. D'accord. Et puis, donc, les antispécistes vont même jusqu'à proposer éventuellement d'accorder des droits aux animaux. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve même de façon plus générale, d'accorder le droit à une rivière ou à un territoire. Oui, une rivière, oui, effectivement, il y a quelques mois, il y a une rivière, la rivière MacPie sur la côte nord, à qui on a reconnu des droits, puis notamment le droit de par personne interposée, évidemment, de se défendre devant les tribunaux s'il y a des empiétements sur le territoire de la rivière. Bien, on pourrait faire la même chose pour les animaux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que les animaux aient des droits, mais il y en a qui poussent ça vraiment loin. Je vais retrouver les dons parce que j'ai toujours de la difficulté à deux auteurs canadiens, Donaldson et Kim Lika, qui, eux, ont vraiment un point de vue très, très particulier. Selon eux, les animaux domestiques devraient avoir le droit de la citoyenneté parce qu'ils vivent avec nous et ça, c'est une erreur, et que c'est nous qui les avons rendus dépendants, alors que c'est pas vrai, là. C'est la domestication du chat, du chien et d'autres animaux, ça a été autant une auto-domestication qu'une sélection artificielle. Alors, ils affirment donner la citoyenneté aux animaux domestiques, la souveraineté territoriale aux animaux sauvages. Autrement dit, faudrait leur demander la permission avant de traverser leur territoire, là, ce qui n'est pas évident. Et le statut de résident permanent aux animaux liminaires. Les animaux liminaires, c'est les animaux qui vivent avec nous, qui sont ni domestiques ni vraiment sauvages, comme les goélands, les ratons laveurs, les rats. Bon. Moi, personnellement, je trouve ça... Ouais, c'est un peu poussé. C'est très poussé. En plus, ça créerait de la bureaucratie puis incroyable. Puis pour moi, c'est très étrange. Mais la distinction que je trouve intéressante, c'est les droits qu'on accorderait aux animaux domestiques sauvages et liminaires, est-ce qu'ils doivent être les mêmes ou non? Ça, c'est une bonne question. Mais le droit de citoyenneté, de souveraineté. Donc les droits d'avoir une vie confortable peut-être pour les animaux. Oui. Le droit de ne pas subir de maltraitance. De la part soit des éleveurs, des propriétaires, etc., de la part de l'humain en général. Donc ça, c'est des droits qui pourraient quand même être reconnus. Oui, puis il y a une auteure, Jocelyne Porcher, que j'ai découvert en rédigeant le livre, qui a une idée intéressante. Elle parle, parce qu'on parle toujours le droit de ne pas être maltraité, de ne pas être tué. Mais elle parle du droit à la bonne vie. Ah oui? Puis elle, c'est une ancienne éleveuse d'animaux, elle faisait de l'élevage, mais elle est maintenant chercheure dans un centre de recherche à Paris. Et elle dit la bonne vie, tuer un animal d'élevage, ça devient plus acceptable à partir du moment où on lui a donné une bonne vie, où il a mené une vie meilleure que s'il avait été en milieu sauvage. Puis on rencontre aussi dans votre livre d'autres solutions assez radicales, des antispécistes, comme par exemple de faire des animaux OGM, carnivores OGM, pour leur enlever l'envie de manger d'autres animaux. Oui, ça, j'avoue, ou de nourrir, ou alors d'aller nourrir les animaux de la nature avec des protéines d'origine végétale. Je vais vous donner une citation juste pour l'illustrer clairement. C'est cette citation qui vient de Valérie Giroux dans son livre « L'antispécisme », qui est une philosophe de l'Université de Montréal, antispéciste avouée, qui a écrit « Pour éviter d'affamer le lion, que l'on voudrait alors tenir à l'écart des gazelles, ne pourrions-nous pas envisager de séparer les proies des prédateurs et de leur fournir des protéines végétales ?» Bonne chance. « Ne devrions-nous pas également chercher à le modifier génétiquement de manière à le débarrasser de son besoin biologique de consommer de la chair animale et de la pulsion de tuer des animaux ?» Ça, moi, c'est des affirmations avec lesquelles j'ai énormément de difficultés. Effectivement. Maintenant, il faut quand même qu'on parle des spécistes, parce qu'eux aussi, bon, ils placent quand même l'humain un peu sur un piédestal, soit d'un point de vue de l'évolution, soit parce qu'on aurait des capacités d'intelligence ou différentes des autres. Mais là aussi, vous mettez des bémols. Oui, parce que... l'histoire de la physique, si on regarde les dogmes des religions et les affirmations des philosophes, pendant des siècles, on a établi une hiérarchie très claire entre les animaux et nous. Nous étions l'espèce supérieure et les animaux étaient à notre service. Et ça, c'est dans toutes les religions, christianisme, judaïsme, même bouddhisme. Le bouddhisme ou l'hindouisme, ils sont végétariens, hein. Plus ou moins, parce que ça a tendance à changer. Mais il y a quand même cette idée que nous sommes supérieurs aux autres animaux. C'est une idée qui peut-être a tendance à changer, mais elle ne change pas très vite. Mais ça, c'est vraiment une conviction là, des spécistes. Puis, comme vous dites aussi, vous écrivez dans le livre, les différences qu'il y a d'intelligence ou de culture sont plus des différences de degré que vraiment des différences noir ou blanc. Oui. On constate dans la nature des animaux qui manifestent un certain degré d'intelligence ou qui sont capables de partager un certain niveau de culture avec leurs congénères. Donc tout est plus histoire de degré que vraiment c'est tranché. Il y a nous et puis il y a les animaux. Oui, parce que c'est sûr qu'on trouve des formes rudimentaires de langage chez les animaux, des utilisations intelligentes d'outils. Oui. On parle de tradition, on n'ose pas encore parler de culture, mais une transmission de génération en génération de connaissances. La différence entre ce qu'on pourrait appeler la culture animale et la culture humaine, c'est que la culture humaine est cumulative, mais pas la culture animale. Mm-hmm. Ce qu'on se passe d'une génération à l'autre, ben, l'autre génération la reprend et la retransmet. C'est, même si c'est pas exactement la même chose, il reste que les différences qu'on établissait entre les animaux et nous, comme le disait Darwin, c'est des différences de degré, pas de nature. Voilà, exactement. Donc, au milieu de ça, là, il y a les spécistes, il y a les antispécistes, et vous dites, moi, je suis ni en spéciste ni en antispéciste, je suis interspéciste. Ouais, ça, c'est un mot que j'ai créé parce que... moi, j'accepte pas l'idée qu'on est supérieur aux autres animaux. Donc, je suis pas spéciste, puis je suis pas antispéciste non plus parce que, comme je l'ai mentionné, ils exagèrent beaucoup. L'interspéciste, c'est quatre principes de base. Premier principe, c'est l'interdépendance des animaux et de nous. Autant nous, on bénéficie de différentes façons des animaux, eux aussi, parce que ils mènent une vie beaucoup plus tranquille que des animaux sauvages. Vous dites, par exemple, un troupeau de vaches mène une vie plus tranquille qu'un troupeau de gnous en Afrique? Exact, oui. Ils ne sont pas tout le temps sur le qui-vive. Deuxième principe de l'interspécisme, c'est que ce qui devrait nous guider, c'est le respect que les autochtones au Québec ou ailleurs ont mm-hmm. envers les animaux, parce que pour les autochtones, en tout cas du Québec, mais aussi de nombreux pays, il n'y a pas de domination de l'humain ou de hiérarchie entre les êtres vivants. Les végétaux, les animaux, les humains ont chacun un rôle primordial à jouer, puis respecter l'animal, c'est juger qu'on a une responsabilité envers eux. Un troisième principe, c'est que ça s'inspire de ce qu'on appelle la règle des trois R, qui est dans le guide du Conseil canadien de protection des animaux: remplacement, réduction, raffinement. Remplacement, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on a tendance à moins manger de viande et mm-hmm. plus être un peu plus végétarien, sans l'être nécessairement complètement. Le raffinement, ben, c'est améliorer les conditions d'élevage à la ferme. C'est déjà commencé. Il y a des règles, par exemple, sur les poulaillers qui sont pas mal bien respectées au Québec, plus en avance par rapport au reste du Canada. Donc, raffiner les conditions de vie à la ferme, mais aussi les méthodes de chasse et de pêche. Mm-hmm. Et la réduction, le troisième principe, c'est réduire le nombre de permis de pêche et de chasse, sauf évidemment quand il y a un surplus, mm-hmm. Comme ça arrive parfois, d'animaux. Puis finalement, octroyer la personnalité juridique aux animaux, un certain nombre de droits, moi, ça me paraît pertinent. Mm-hmm. Tantôt, j'ai mentionné Jocelyne Pourchet, je vais citer une phrase d'elle que j'aime bien. « La mort des animaux est acceptable par nous si les animaux ont eu une chance de vivre leur vie et si cette vie a été bonne autant qu'elle peut l'être, et en tout cas, meilleure qu'elle ne l'aurait été sans nous. Plus paisible, plus intéressante, plus riche de sens et de relations. » Mm-hmm. Donc ça, c'est les quatre principes qui pourraient soutenir cette nouvelle voie, l'interspécisme, que vous proposez dans votre livre. Exact. Voilà. Donc, pour poursuivre la réflexion, il va falloir lire ce livre qui s'appelle donc « Les animaux et nous ». C'est paru aux éditions Multimonde. Alors, merci beaucoup, François Doré. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire à l'école de psychologie. Retraité. Professeur retraité oui. de l'école de psychologie de l'Université de Laval. Mais c'est pour ça que vous avez le temps d'écrire tous ces livres. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Doré, et on vous attend pour votre prochain livre. C'est moi qui vous remercie.